Pierre de Ronsard sonnet pour Hélène. Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, assise auprès du feu d'évident et filant, direz, chantant mes vers, en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors, vous n'aurez servante ayant telle nouvelle, déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de Ronsard ne saille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre et fantôme sans eau, par les ombres myrteux je prendrai mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.